Ben, c'est ça. Je vais arriver la semaine passée, cette semaine. Mm-hmm. J'entendais des, l'esprit qui parlait. Là. Le stade venait de me réveiller. J'étais dormi, tout le monsieur, pas me réveiller, en tout cas, sans bouger. Il parlait, mais il témoignait, j'ai excessivement un peu de pensée. Là, c'est à coup, j'ai commencé à parler tout croche, je disais n'importe quoi. Puis après ça, il y a d'autres voix qui se sont entendues, plusieurs, puis il disait toute une couple de phrases, puis ça finit. Chacun faisait son tour, je ne savais pas à qui il parlait, parce que moi, il me semble qu'il ne parlait pas à moi, mais il parlait à personne, il se parlait à chacun leur tour. Puis là, bon, là c'est trop dur, ben, on dirait que peut-être que ma réflexion commençait à trancher. On est des radios. Ah, c'est ça, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des effets visibles sur la transformation des corps? Ça dépend des individus. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont. Hey, tu vas me suivre, mais là. Je parle pas autant que toi. Autrement dit, quand tu peux partir avec tes corps, tu es régénéré automatiquement. Tu as des défaillances au niveau des yeux ou. Attends, c'est quand tu t'es lèvres, c'est pas que tu es assis. Vous inquiétez trop de ces affaires-là. Occupez-vous pas de ces affaires. Occupez-vous de l'essentiel pour tout de suite. Des choses importantes concernant votre bien-être psychologique, votre bien-être psychique, votre bien-être à tous les niveaux. Le reste, ça va prendre soin de ça. Tu parles du signe de lumière, là, qui est un peu comme ça, premièrement, tu parles du signe de lumière. Puis, pour commencer à être conscient, il faut être du signe de la lumière. Puis, ce signe-là, il n'est pas encore tout à fait arrivé sur la terre. Il y a quelque chose qui parle de. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que l'énergie, ce n'est pas encore manifesté, on ne peut pas vivre de lumière, mais seulement qu'on est en préparation. Ah oui, je me rappelle. L'homme est en préparation pour un jour vivre, être signé, si tu veux, de la lumière. Il est en préparation, il faut que ses corps soient là. De sorte que quand ça va venir, ce temps-là, l'homme va être prêt, ça va se faire automatiquement. La fusion. C'est comme une fusion, c'est ça? C'est une fusion. Il faut que les gens soient préparés. C'est ça qui se passe. Parce que, mec, ça vienne, cette affaire-là, ça va venir tout d'un coup. Les gens ne sauront pas quand, mais quand ça va venir, ils disent. Tout contact avec la lumière demande une préparation. Ça a toujours été de même, ce sera toujours comme ça. Tout contact avec le lien de marne nécessite une préparation. Est-ce que tu es le seul à pouvoir préparer les gens ou si on appelle dans le monde? Ce que je fais, c'est ce que je fais. On t'a fait au début pour savoir après que tu ne faisais pas charrier par des esprits. Ça fait partie de mon expérience à moi. C'est une bonne question. Mais je te donne une bonne réponse. On a entendu te parler de souffrir toutes les étapes et en même temps de parler de la psychologie au niveau du corps mental. Ces étapes-là, si tu peux nous en reparler. Les étapes, c'est des changements vibratoires, les étapes. Ils ont un lien avec le discernement et le. Les étapes sont différentes pour chaque individu. Il n'y a pas un homme qui passe par la même expérience. Votre expérience, celle de l'autre, c'est l'autre. Chacun a des étapes différentes, mais ça revient toujours à la même chose. À ne pas être niaiseux. Ça revient tout à l'intelligence. Ça revient tout à la destruction des formes, à la destruction des illusions des formes. Ça vient tout à ça. Suivant vos tempéraments, vous avez vos illusions. Suivant l'autre tempérament, il y a ses illusions. Chaque tempérament, chaque égo a ses illusions. Puis on vit des étapes, des changements vibratoires se font